Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le président Nkurunziza a réaffirmé hier son engagement à rétablir la sécurité sur le territoire national d'ici le mois de juillet. Comme il l'avait dit lors de la fête du travail le 1er mai dernier, hier, il était en commune Mugamba. À l'occasion de la célébration du 23e anniversaire de la victoire de la démocratie aux élections du 1er juin 1993, selon le président du parti Sahwanya, Frodebo, Léonce Ngendakoumana rappelle aux Burundais qu'ils sont redevables au héros national Melchior Ndadaye. Et le ministère des Relations extérieures qualifie de rumeur le renvoi du contingent burundais de policiers qui participent à la mission des Nations Unies en Afrique centrale, vous l'entendrez. Plus de 11 000 élèves ont abandonné l'école en province de Muyinga durant cette année scolaire. Le directeur provincial de l'enseignement semble regretter un manque de collaboration des administrateurs avec les responsables des écoles. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, réagit à l'annonce du directeur général de la Régie des eaux de recouvrer les dettes que lui doivent les entreprises et institutions publiques et privées, mais regrette dans le même temps que ses créances impayées sur les consommations d'eau et d'électricité sont budgétisées chaque année. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le développement de ces titres et d'autres nouvelles, le président burundais Pierre Nkurunziza appelle les hommes armés qui se trouveraient encore dans la commune Mugamba et dans les environs et même partout sur le territoire national à rompre pour de bon avec l'esprit de guerre au Burundi. L'a dit hier mercredi au chef-lieu de la commune Mugamba. Il a fait remarquer que les forces de l'ordre et de sécurité ont une mission précise et que personne d'autre ne devrait s'en mêler. Le président Nkurunziza revient également sur son discours lors de la fête du travail dans lequel il promettait le rétablissement de la sécurité sur le territoire national en 2 mois à partir du 1er mai. Les précisions de Léonce Vitalio qui avait fait le déplacement à Mugamba. Dans son discours, le président Pierre Nkurunziza est revenu sur ce qu'il a déclaré le 1er mai. Le délai de 2 mois qu'il a donné pour que la sécurité ait été rétablie reste de mise. Et pour lui, la commune de Mugamba doit se sentir concernée. Nous avons bien dit que partout dans le pays, Mugamba inclus, la sécurité sera totale dans notre pays, le Burundi. Nous n'avons besoin d'aucun coin qui sera un fief des malfaiteurs, qui ne rêve que de piller et tuer les citoyens. Comprenez-le bien, un homme averti en vaut deux. Le président de la République met également en garde contre toute personne qui s'arroge encore le droit de tirer sur autrui, alors que cela ne rentre pas dans sa mission. Il appelle tout un chacun à ne jamais faire ce qui ne le concerne pas, sinon il n'y parviendra pas. Quand ils viendront pour tirer, ils n'y parviendront pas. Il y en a qui sont faits pour ça, qui ne sont chargés que de tirer. Les missions sont partagées. Si tu vas tirer alors que ça ne rentre pas dans ta mission, c'est ton affaire. De notre côté, et selon toujours le numéro 1 burundais, l'exécution des accords de paix et de cesser le feu global d'Arusha est déjà à 95%, les 5% restants étant pour la commission Vérité et Réconciliation. Que tous les Burundais le sachent, avec un accent particulier sur ceux de Mugamba, Mukike et Gisozi. Quant à la jeunesse, il fait un clin d'œil à travers un proverbe. À force de s'aventurer dans une forêt inconnue, dit-il, on rentre avec un bâton inconnu, ce qui est risquant. Chers jeunes, vous ignorez encore beaucoup de choses. À force de t'aventurer dans une forêt inconnue, tu rentres avec un bâton inconnu. Il y a beaucoup que vous ignorez encore. Qui vous pousse à aller cueillir un bâton inconnu, lequel bâton retourne contre vous et vous tape dessus? Dans la province de Bururi, l'une où se sont observées des manifestations contre la nouvelle candidature du président, 47 personnes, dont 36 malfaiteurs, ont été tuées, une centaine parmi ces derniers appréhendés et plusieurs munitions saisies, une information donnée par le gouverneur de cette province du sud du pays. Merci Léonce. Le parti Sahwanya Frodebo célèbre le 23e anniversaire de la victoire de la démocratie au Burundi, un événement qui se célèbre au moment où le pays connaît une crise profonde, politique et sécuritaire, comme l'indique le président de ce parti. Dans une conférence de presse animée ce jeudi, Léonce Ngendakoumana a fait savoir que les partis en conflit doivent s'asseoir autour d'une table de négociation dans le souci de rappeler à tous les Burundais qu'ils sont redevables à l'endroit du héros national de la démocratie au Burundi. Melchior Ndadaye. Nous célébrons cette victoire dans un contexte très tendu, sur tous les plans, au niveau politique, au niveau sécuritaire, au niveau économique, au niveau social, la situation est excessivement grave. Et cette crise se manifeste à travers un déni manifeste de l'accord d'Arusha et de la Constitution, à travers les discours des leaders politiques appelant à la haine ethnique et à travers une grave dégradation des relations entre le Burundi et la communauté internationale par une destruction de l'économie nationale et par une aggravation de la pauvreté, de la misère et du chômage, pour ne citer que cela. Ces faits sont suffisamment graves pour détruire la nation burundaise et embraser la région et remettre en cause tous les acquis de la paix et de la démocratie. Malgré une situation très préoccupante, le parti Savoyan Fodebu, soucieux de rappeler à tous les Burundais qu'ils sont redevables à l'endroit du héros national de la démocratie au Burundi, persiste dans sa profonde conviction que la solution se trouve au stade actuel de la crise, dans l'acceptation par les partis en conflit de s'asseoir autour d'une table de négociation sans exclusion aucune et sans condition préalable sous la médiation internationale. Ça, c'est l'unique voie. D'autres voies, ce sont des voies suicidaires. Léon Senghenakoumana, président du parti Savanya Frodebou, et le ministère des Relations extérieures et de la Coopération qualifient de rumeur le renvoi de policiers burundais de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, pour le maintien de la paix. Dans une conférence de presse ce jeudi, le ministre Alain Aimé Nyamitwe est revenu sur les accords de Cotonou, notamment l'article 96. Il estime que certains traits des relations internationales ont été violés. Célestin Blaise, Ndirokugaï. Ce ministre burundais des Relations extérieures et de la Coopération dément les rumeurs qui circulent, même dans les réseaux sociaux, que le contingent des policiers burundais à mission des Nations Unies en Centrafrique, qu'ils ont été renvoyés. En principe, pour déployer, nous signons un mémorandum d'entente. Si jamais il y a une décision qui va dans le sens, disons, de revoir la participation d'un contingent, Et cette décision nous est signifiée de la manière la plus officielle. Sinon, je sais qu'il y avait eu un problème de relève de nos hommes qui étaient à la MINUSCA, surtout contre les policiers. Et c'est un problème qu'on avait, signifié au plus haut niveau, au département de maintien de la paix des Nations Unies, à son responsable, M. Hervé Latsous. Nous estimons qu'en réalité, il s'agirait peut-être de relève, mais si jamais il était question de renvoi, je crois savoir qu'il faudrait beaucoup plus, vraiment beaucoup, pour justifier le renvoi des hommes qui, par ailleurs, prestent très bien. Alain Aimé Nyamitwe explique aussi que l'accord de Cotonou n'a pas été observé par l'Union européenne qui a suspendu l'aide au Burundi. Nous avons eu l'occasion de dire que les critères qui sont contenus dans l'accord de Cotonou n'avaient pas été respectés pleinement par la partie européenne. Et nous l'avons non seulement dit, écrit, formellement signifié à la partie européenne, mais aussi, nous avons demandé, et c'est notre position diplomatique, nous avons demandé à la réunion ministérielle des ACP, tenue à Dakar, fin avril, que l'article 96, dans les discussions qui viendront à partir de 2018, si ma mémoire est bonne, sur le futur des rapports entre l'Union européenne et les ACP, que cet article-là, ces dispositions-là, et bien d'autres, qui ne sont pas justes, soient revues. Nous l'avons dit parce que nous sommes convaincus que c'est un article qui est interprété et utilisé à sens unique. Et quand nous avons un accord, nous considérons que l'accord est bilatéral, qu'il ne peut pas y avoir de droit d'un côté et d'obligation de l'autre. Le ministre Alain Nyamitwe animait une conférence de presse ce jeudi. Merci Blaise. Certains magistrats n'appliquent pas la loi lorsqu'ils sont sous menace. Cela a été dit dans une rencontre du ministre de la Justice avec certains représentants des juridictions spécialisées. Et c'était pour échanger sur les conséquences liées aux mauvaises décisions rendues par ces juridictions. Le point avec Jean-Marie Nivigira, il est stagiaire à notre station. Dans cette rencontre, la ministre de la Justice, Aimé Laurentine Kanyana, a dit que certains magistrats prennent de mauvaises décisions et cela est corrélé à tout organe de la justice. Mais certains de magistrats ont révélé à la ministre que certains membres du service de renseignement leur donnent des ordres de garder en détention certains détenus des quartiers dits contestataires. La ministre de la Justice a répondu qu'un magistrat qui accepte de tels ordres ignore sa déontologie professionnelle. Imaginez qu'un magistrat qui devrait contrôler la régularité de la détention d'une personne conformément à la loi, qui se dit obéir à des injonctions de la police, alors que la police devrait normalement être contrôlée par ce même magistrat. Si le magistrat n'est pas capable d'exercer convenablement sa fonction, je crois que ça devient vraiment catastrophique. Et la responsabilité n'incombe pas à la police, ça incombe à ce même magistrat qui ne maîtrise pas la procédure qu'il doit suivre dans son travail de tous les jours. Je dirais alors que, telle que la procédure est conçue, le magistrat ne devrait pas recevoir des ordres d'un policier. C'est au contraire le magistrat qui devrait encadrer le travail de la police. Concernant les policiers qui torturent les habitants des quartiers dits contestataires mais qui ne sont pas punis, la ministre a dit qu'il y a un organe chargé de cette question. Le code de procédure pénale burundais est clair. Au niveau de la police, il y a le service national de renseignement, il y a la police judiciaire et d'autres polices spécialisées. Lorsque le travail de la police est terminé, les dossiers sont soumis au ministère public. Et d'ailleurs, le ministère public, il peut le plus, il peut le moins, encadre l'activité de la police. Et je comprends mal alors comment un magistrat du ministère public peut dire qu'il n'est pas capable de contrôler son subalterne. Ça, c'est vraiment, je peux dire, ne pas maîtriser son métier. La ministre de la Justice interpelle les magistrats de ne pas se comporter comme des mercenaires, mais plutôt de savoir qu'elle rendre justice est une vocation. Et puisque nous parlons justice, 7 ans et 6 mois d'emprisonnement, telle est la peine infligée à l'élève de l'école paramédicale de Mouranvia qui a poignardé vendredi dernier la préfète des études sur cette école. Cet élève est responsable d'une tentative d'assassinat selon le verdict du tribunal de grande instance de Mouranvia. Il a poignardé cette préfète des études quand il s'est retrouvé après l'affichage sans une note qui lui permettrait de passer l'examen d'état. Les activités de la société Royal Services, qui envoie des femmes et des filles travailler en Arabie Saoudite comme femmes de ménage, inquiètent la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, alors que le président de cette commission indique qu'une enquête urgente est nécessaire pour connaître la légalité ou l'illégalité des activités de cette société. L'assistant du ministre de l'Intérieur, Terence Naïra Aja, promet de donner des clarifications sur les activités de Royal Services dans nos éditions de ce vendredi. La pénurie du sucre est causée par les grossistes reconnus par la Socimo qui n'écoulent pas leur stock sur le marché. Telle est la considération du ministère du Commerce, Industrie et Tourisme après plus d'un mois de pénurie de sucre. Selon Dismas Varadandikanya, le porte-parole de ce ministère, il faut que l'administration provinciale qui établit les listes de ces grossistes soit vigilante. Placide Niyomungere. Ce ministère du Commerce reconnaît qu'il y a une diminution du sucre dans les stocks de la société sucrière de Mosso, mais place le problème ailleurs. Ce sont les grossistes servis par la Socimo qui ne veulent pas livrer le produit sur le marché, ce qui fait causer une frambée des prix, comme l'indique Dismas Sibaradandikanya, porte-parole de ce ministère. Nous l'avons remarqué, il y a flambée des prix sur le marché, mais dû à quoi? Et dû à la spéculation des commerçants qui détiennent des stocks dans leurs magasins, qui ne cherchent pas à mettre ça sur le marché pendant la période de juin. Il demande à ceux qui confectionnent les listes de ces grossistes d'être vigilants envers ces derniers, dont les gouverneurs, sinon les rayés de la liste. C'est une période creuse où les commerçants cherchent à profiter, mais ils s'exposent à des sanctions graves parce que l'autorité provinciale, en collaboration avec la Socimo, risque de les rayer sur la liste des commerçants qui reçoivent directement le sucre en provenance de la Socimo. À la question de savoir si le ministère du Commerce ne peut pas permettre l'entrée du sucre étranger, Dismas Baradandikanya dit qu'il s'agirait d'une démarche inutile car la Socimo va bientôt produire. Et on n'a pas interdit l'entrée, mais quand nous considérons les délais nécessaires pour importer le sucre et les délais qui restent pour que la Socimo mette le sucre sur le marché, nous considérons que ce serait, des actions inutiles pour le moment. La Socimo, d'ici fin juin, va commencer à vendre correctement son stock. Cela est dit à plus d'un mois de pénurie du sucre sur tout le territoire burundais et 1 kilo de sucre étant vendu à différents prix au-delà du prix officiel qui est de 1850 francs bou. Merci Placide, économie toujours. Différentes entreprises, tant privées que publiques, ainsi que des particuliers doivent à la régie des eaux plus de 50 milliards de francs burundais après une courte visite du directeur général de la Régie des eaux dans quelques sociétés pour les inciter à régler leurs factures. Jéroboam Zekowanyanga interpelle tout un chacun qui a une dette à la Régie des eaux de la payer au plus vite. Au cas contraire, les services de la Régie des eaux, lui, seront suspendus. On l'écoute. L'entreprise Régie des eaux fait payer à tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez constaté que le directeur général à ma personne, j'ai visité des grandes entreprises, que ce soit publiques et privées, et j'ai moi-même été sur les lieux. J'ai moi-même amené les factures avec le comité de direction et vous avez constaté que certaines personnes responsables de ces administrations nous ont reçus et nous ont donné des promesses. Donc, je sollicite maintenant à haute voix toutes les administrations publiques, toutes les grandes entreprises qui doivent beaucoup d'argent à la Régie des eaux de payer parce que dans les différents budgets, il y a des rubriques prévues pour payer les frais de la Régie des eaux. Donc, ce n'est pas normal de demander une chose et son contraire. Donc, je sollicite à ce que tout le monde puisse payer sans exception. Parce qu'aujourd'hui, c'est la distribution des factures. La seconde phase, ce sera la mise en exécution des mesures de la Régie des eaux de couper certaines factures à ces entreprises. Et le président de l'OLUCOM regrette que des institutions ne payent pas alors que les consommations de l'eau et de l'électricité ont été budgétisées. Gabriel Ouftili demande à ces entreprises et institutions de payer leur dû pour que le fardeau ne soit pas supporté par le petit consommateur. L'ORICOM a traité à maintes reprises ce genre de dossier. Régie des eaux a multiplié le coût de l'eau et de l'électricité à plus de 300% dans les factures, juste pour combler donc ces dettes que les sociétés publiques, principalement, et les ministères ont envers la Régie des eaux. La Régie des eaux, au lieu de recouvrer ces montants colossaux, il recouvre avec force l'argent chez les ménages, petits citoyens, alors que en plus de ce recouvrement, pour nous, ce n'est pas même une mauvaise chose. Toute personne qui a une dette envers la Régie des eaux, normalement, doit payer. Mais ce qui est grave, c'est que la Régie des eaux augmente donc le coût de ces produits juste pour combler donc ce déficit dû aux dettes que ces sociétés ont envers la Régie des eaux. Je pense que la décision que le directeur général de la Régie des eaux vient de faire, c'est une décision sanitaire. Nous demandons à ce que le ministère, toutes les sociétés qui ont ces dettes puissent payer pour ne pas mettre tout ce fardeau aux épaules de petits contribuables. Il y a eu un audit international qui a été commandité, il y a eu des commissions parlementaires qui ont été créées. Nous demandons vraiment que cette situation soit jugulée parce que plusieurs sociétés publiques sont comme ça. Aujourd'hui, c'est la Régie des eaux. Mais le Natel fait aussi comme ça. Ils ne payent pas, ils veulent que les petits citoyens continuent à payer pour eux. Gabriel Ouftiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption. La corruption, il en est question à Bubanza et la fraude aussi qui existe bel et bien dans les provinces de Bubanza, Bujumbura et Cibitoke. Et les auteurs de ces infractions ne sont pas toujours sanctionnés. Cela a été dit ce jeudi à Bubanza lors d'un atelier de mobilisation contre ces infractions pour les représentants des populations de ces trois provinces. Spes Caritas Kavanyana. Dans ce mot d'accueil, le gouverneur de Bubanza a indiqué tous les domaines où on rencontre la corruption, la fraude n'existant pas parce qu'il n'y a pas de trafic entre Bubanza et la République démocratique du Congo selon le responsable provincial. Dans le domaine de l'enseignement, pas mal de directeurs d'école ont été corrompus et ils ont été sanctionnés selon le gouverneur de Bubanza. En agriculture et élevage, certains moniteurs agricoles donnent des listes de gens qui n'existent pas lors des traçages des courbes de niveau et les salaires se volatilisent chez ces moniteurs agricoles. Au niveau de l'environnement, l'extraction de sable et de carrières ainsi que la coupe d'arbres se font illégalement au grand jour selon le gouverneur de Bubanza. Dans le domaine de la justice, un malfaiteur a été dernièrement surpris par la population en flagrant délit en train de tuer une personne. La justice a déclaré par après que le présumé assassin était innocent. Dans le domaine de la sécurité publique, les policiers tentent petit à petit à abandonner le fameux billet de 2000 francs, ce qui se manifeste même à travers les pancartes portant l'inscription « Igi polisi, izira, igi tuye » « Une police sans corruption » selon le gouverneur Tarsis Niyongawo. Ce qui a été dit dans cette province de Bubanza se retrouve également ailleurs dans le pays. selon le ministre de la Bonne Gouvernance, qui a appelé toute la population à abandonner ces mauvaises pratiques, les mettant même en garde à travers des proverbes. Merci Spes, vous voudrez bien nous excuser pour quelques désagréments dans cet élément sonore. La ligne téléphonique Bujumbura-Bubanza n'était pas bonne. Plus de 11 000 élèves ont déjà abandonné l'école en province de Muyinga au cours de cette année scolaire 2015-2016. Le directeur de l'enseignement en province de Muyinga invite les administrateurs à plus de collaboration avec les responsables des écoles. Et cela pour contraindre tout enfant ayant déjà abandonné l'école à reprendre le chemin de l'école. Les détails avec notre correspondant Dieudonné Nzeyimana. À l'école fondamentale seulement, on enregistre plus de 10 000 cas d'abandon. Le rapport des deux premiers trimestres dégage un taux d'abandon de 6,7%. La commune Mnakilo vient en tête avec un taux de 10%. Au secondaire, de la 10e à la 1e ou à la 4e normale, 1840 élèves ont aussi quitté le banc de l'école. Entre autres causes d'abandon, l'ignorance des parents quant aux avantages de l'école, l'exode des enfants vers les centres urbains ou encore le dégoût face à l'école, vu l'effectif croissant des chômeurs même en milieu rural. Pour Blaise Pascal Misago, directeur provincial de l'enseignement, il faut une prise de conscience des parents appelés à préparer l'avenir de leurs enfants par une formation réussie. Les administratifs sont invités à prise de mobilisation pour contraindre les parents irresponsables à faire retourner leurs enfants à l'école. Au niveau de la province, il a été initié un comité chargé de faire le bilan mensuel des cas d'abandon et d'initier des activités de retour immédiat à l'école pour tout enfant en situation d'abandon. Ce comité composé par des représentants de l'administration, de l'enseignement, des églises et de la société civile, il vient de 2 mois. Mais jusqu'aujourd'hui, ses membres ne se sont jamais réunis. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Dans la suite de ce journal, quelques nouvelles brèves avant le reportage du jour qui nous conduit à Chibitoke. Ce sera pour parler des habitants du quartier Karurama qui se lamentent comme quoi ils sont menacés par le bruit des générateurs électriques de l'usine du ciment Bousseko. Le président du parti MSD n'a pas été arrêté à l'aéroport de Bruxelles, contrairement aux informations ayant fait le tour des réseaux sociaux. Par contre, il lui a été signifié que l'entrée dans l'espace Schengen lui était interdite. Selon une source fiable à Bruxelles, de nos confrères du groupe de presse Iwachu, cette interdiction émane des autorités françaises. Et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa, et toute son équipe de députés qui sont avec lui en visite à Karouzi ont été empêchés d'aller visiter la population de cette province, comme il était prévu sur l'agenda. La suspension de ses activités en province Karouzi aurait été prise par le gouverneur de la même province. Agathon Rwasa, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, n'avait pas non plus pu visiter 3 communes de la province Tibitoke en début de cette semaine. Il qualifie d'inconcevable ce comportement des administratifs à l'égard des élus du peuple. Selon lui, un parlementaire a un mandat national. Il représente toute la population sans distinction et par conséquent, personne ne peut lui empêcher de circuler librement. Et puis une grenade a été lancée la nuit dernière vers 20h45 dans le quartier Moussama 3 de la zone urbaine de Kanyosha. Une personne a été blessée légèrement par des éclats. Le porte-parole agent de la police nous a dit que celui qui a lancé cette grenade et 2 autres personnes ont été arrêtées. À la source, reportage. Je venais de vous le dire, les habitants du quartier Karurama au chef-lieu de la province Chibitoke disent être menacés par le bruit des générateurs électriques de l'usine du ciment Bousseko. À ce bruit s'ajoute la fumée et la poussière, ce qui risque de leur causer diverses maladies. Le conseiller principal du gouverneur de la province Chibitoke indique que ce problème est déjà connu et que l'autorité provinciale compte rencontrer le responsable de Bousseko pour tenter de trouver une solution à ce problème. Évariste Zikobanyanga. Ce bruit que vous entendez est celui des moteurs utilisés à l'usine du ciment de Karurama, dite Bousseko. Nous sommes au chef-lieu de la province Chibitoke. Les habitants du quartier Karurama disent être menacés par ce bruit. Dès que ces machines sont démarrées, personne ne peut s'entendre avec l'autre, indique Bouteille Marie Chantal, voisine de cette usine du ciment. Nous avons des problèmes parce que quand on est dans la maison avec quelqu'un pour dialoguer, c'est tellement difficile de communiquer avec l'autre à cause du bruit. Quand on a fait la lessive, hein, quand on met les habits à la sécheresse, c'est très difficile parce que la fumée, la poussière vient sur les habits. Les tuyaux d'évacuation des fumées de cette usine du ciment sont orientés vers les maisons d'habitation du quartier Karurama. Les habitants de ce quartier craignent pour leur santé. Des maladies éventuelles pourraient les attaquer d'un moment à l'autre, disent-elles. Ils demandent que cette usine ne soit transférée ailleurs. Ça peut nous causer des problèmes, du cancer ou de la tuberculose. La poussière entre à l'intérieur des maisons, ce qui peut nous causer de maladies. Ces fumées causent la toux. Les enfants tombent souvent malades. Nous demandons que cette usine soit transférée ailleurs, loin des maisons d'habitation. Nous ne refusons pas ce projet de développement. Qu'on l'implante ailleurs. À Karurama, même les services d'urbanisme est en train d'y aménager plus de 1500 parcelles, malgré ce cri d'alarme de la part de ceux qui y ont déjà érigé des maisons. Ces derniers indiquent avoir déjà saisi l'autorité provinciale qui n'a jusqu'aujourd'hui trouvé solution. Une délégation des députés a été envoyée sur le terrain. Ils ont fait leur constat. Aucune solution n'est encore trouvée. Nous attendons toujours. Les autorités auraient même promis d'écrire une correspondance au ministre de l'Énergie et des Mines. On ne sait pas si cette affaire sera réglée. Le conseiller principal du gouverneur de la province Chivitoke tranquillise. Saïdi Anissé indique avoir déjà entendu les doléances de cette population, tout en précisant que le gouverneur de cette province, accompagné par les députés et sénateurs élus dans cette circonscription et les chefs de service, compte rencontrer le directeur général de Bousséko pour tenter de trouver solution à ce problème. Évariste Nzikobanyanghaï, voilà qui nous amène à la fin de ce journal. Merci d'être fidèle à nous. Merci à Albert Ndouaïo pour la mise en onde de micro. Jean Bosco Ndouimana, restez à l'écoute de nos programmes.